Tu peux t'inscrire mais pour gagner tu sais c'est même pas la peine d'y penser, même pas la peine de dépenser tous tes milliers de billets en milliers de billets de concerts, pas la peine c'est déjà joué. Si tu veux gagner ou pas de malentendu, il faut progresser, il faut s'entraîner dans la rue, s'entraîner sur des skins, s'entraîner sur des fachos. C'est comme ça que l'on gagne la coupe du monde de Pogo. La coupe du monde de Pogo. La coupe du monde de Pogo. Coupe du monde de Pogo. La coupe du monde de Pogo. Coupe du monde de Pogo. La coupe du monde de Pogo. Rebonjour à tout le monde, on est de retour donc ici à Anglet au stade de la Piñada, enfin au gymnase de la Piñada pour être exact, pour le dernier match de la journée, du week-end et du championnat qui va opposer donc les équipes des Harpy Brakeuse et les Contrabandista, donc les Harpy Brakeuse de Pibrac et les Contrabandista de Bayonne. Et pour ça je suis accompagné de JC. Ça comment va, ça va JC? Ça va bien et toi? Ça va. Bon, il paraît que toi, tu as quand même enchaîné pas mal de matchs, c'est ça? Pas du tout. Non? T'enchaînes en tout cas avec le match d'avant. Voilà, tout et à ça fait. Ça fait déjà beaucoup. C'était un match un peu particulier, un peu en demi-teinte, mais bon, écoute, ouais. Voilà, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Voilà, je crois qu'il y a eu du... J'ai entendu tout à l'heure qu'il y aura un gros débrief, hein, tout à l'heure. Voilà, je pense que les Valiant Beaches... vont se faire gronder. Ouais, vont devoir débriefer, mais c'était un match avec de l'action. Ouais. Donc j'espère que celui-ci sera aussi, aussi intense, avec un peu moins d'arrêts parce qu'il y a eu beaucoup d'arrêts. On a eu carrément 4 ou 5 gros arrêts de jeu tout à l'heure. C'était un peu long. Ok. Donc voilà. Hein. Le match donc, qui va être les Harpy Brakeuse contre les Contrabandista, les Harpy Brakeuse qui sont pour l'instant deuxième du championnat derrière les Petites Morts de Bordeaux, qui ont perdu leur match hier contre les Petites Morts de Bordeaux. Contre les Contrabandista qui vont essayer donc de gagner leur dernier match pour passer face à leur ennemi juré, les Valiant Beaches. Donc un match quand même avec pas mal d'enjeux pour ce dernier match donc, qui va décider du vainqueur de ce championnat. Donc, un match important. Un match important. Toi, t'as un petit pronostic peut-être? Non, parce que le dernier je l'ai fait sur ChatGPT et ça a pas marché du tout. Ça a pas marché? Allez, moi je me lance. Je pense que ça va être les Harpy Brakeuse qui vont s'imposer avec... Lucifer, alors je sais pas si t'es au courant, mais je suis un grand fan de Lucifer. J'ai entendu ça tout à l'heure. Ah ouais, c'est ma joueuse préférée de, celle qui va... de toute l'histoire du roller derby. D'accord, c'est celle qui va hyper vite, c'est ça? Exactement, super vite. Qui va très vite. Et qui apparemment hier a eu un petit peu mal contre les Valiant Beaches, mais visiblement ça va mieux vu qu'elle est sur le track aujourd'hui. Du mal à retrouver sa vitesse. Eh ben écoute, on va voir, moi je les découvre. Donc il paraît que quelques-unes sont très connues, en tout cas pour... pour être super rapide, donc je vais pouvoir voir ça en direct avec toi. Ouais, en espérant que ça fasse un joli match, qu'il y aura quand même du suspense, parce que c'est vrai que moi j'ai commenté le premier match du week-end aussi, où il n'y avait pas trop de suspense, j'ai bien envie de me voir un petit match assez serré, où on pourra vibrer jusqu'à la fin, en espérant que voilà, ce championnat se termine bien, dans la bonne humeur, et avec un joli match. Donc il reste plus que 13 secondes avant le début du match, les arbitres commencent à s'installer, nous on commence à apprécier le spectacle, en espérant que tout se passe bien, je pense que les arbitres vont les appeler. Alors il n'y a pas de raison que ça change, hein. Pour l'instant ça a été très bon esprit, le match d'avant aussi, oui. On a vu les joueuses qui discutaient entre elles. Alors les joueuses qui rentrent sur les joueuses qui rentrent sur le track. Avec donc c'est Lucifer qui va en jammeuse qui va être face à j'ai oublié le nom de cette jammeuse de Contrabandista, mais ça va être écrit sur l'écran assez vite. J'essaye et de voir si la petite feuille être... regarde, j'ai une petite feuille à côté de moi, je sais pas si c'est mentionné dessus. Alors ça je va vais être essayer de la prendre, mais effectivement ça va ça être va noté être... bientôt sur alors, l'écran attends. Pour l'instant marqué coming up, on vous le rappelle pour ce dernier match. Raton, c'est Raton le. Allez, bah c'est parti pendant qu'on discute. Et c'est parti. Et Raton qui prend l'extérieur de suite, qui va essayer de passer. Ça chacaille pas mal déjà en ce début de match. Alors qu'est-ce que ça donne? Ça retourne en arrière. Hein. Lucifer qui se fait recycler complètement. Pour qui l'équipe de Bayonne. Qui revient complètement en arrière. Qui frame pas mal de vitesse. Allez, qui tentative de passage pour Pibrac. Et ça recycle encore une fois alors que Raton est encore dans le trafic. Ça a du mal à passer. Il y a de l'intensité sur ce début. Ça cogne assez fort. et Lucifer qui passe, qui prend le lead. La fameuse Lucifer, on la voit en direct. Qui prend le lead. L'arbitre qui la pointe du doigt. Et Raton qui a du mal. Et qui... Alors qu'il y a eu un star pass côté contrabandista. Raton qui a passé à Holy Monster. Et donc on a... Alors est-ce qu'on t'a expliqué ce que c'était un boom track? Non, pas du tout. Mathilde n'a pas parlé du boom track dans le match d'avant. Non, il n'a pas voulu me le dire. Il n'a pas voulu te le dire. En fait, il y a vérité, il m'a dit qu'il ne savait plus. Le boom track, c'est le nom technique qu'on donne quand on marque 4 points. C'est-à-dire qu'on prend le lead, on marque 4 points, l'adversaire passe et avant qu'il arrive, on colle pour marquer 4 points éviter à l'adversaire de marquer des points. Merci pour ce petit point. Il y a tellement de règles. Ça a commencé par un boom track. Allez, super. C'est reparti pour le jam numéro 2. Oula, ça a cogné fort. C'est chaud dans la zone d'engagement. Hein. C'était parti fort. On a Moonjet donc en jameuse pour les Harpy Braqueuses et El Toco Loco pour les contrabandistas qui prend le lead. Alors que ça a un peu plus de mal. Allez, elle va bientôt. Elle va peut-être même prendre un tour d'avance. Ouais. Il y a eu, je crois... La jameuse de Bayonne. Je crois que la jameuse des Harpy Braqueuses a fait tomber son couvre-chef. Et un magnifique star passe devant nous. Et c'est passé. Allez. Et ben moi, je vais parler de noms de villes. Parce que c'est plus rapide. Parce qu'elles ont toutes des noms d'équipes en deux mots. C'est et moi, vrai. Je vais rester puis Braque-Bayonne. Ouais, t'as raison. Allez, je me permets. Désolé. Pas de soucis. Ouh, ça passe intérieur pour Pibrac, c'est magnifique. Et c'est joli. Et qui marque 4 points et qui égalise. Et non, c'est passé aussi. Allez, ça colle. 8 à 4 sur ce jam. Donc les le contre Bayonne donc, qui revient au score. 8 partout donc, dans ce match. Match qui commence tranquillement. Les deux équipes marquent leurs points. Colle assez vite. On vous rappelle que le call, c'est l'équipe qui prend le lead, qui peut arrêter à tout moment pour éviter probablement en tout cas que l'équipe adverse marque des points et qui fait ce geste au niveau de la taille pour signifier qu'elles arrêtent. Exactement. Pour ceux qui ne connaîtraient pas trop le roller derby. Et c'est reparti. Jam numéro 3, où beaucoup de vitesse. Oh, le saut. Est-ce que beaucoup tu as vu ce petit saut là pour esquiver? Joli. Magnifique. Tassinator qui a fait un petit saut qui avec beaucoup de vitesse. J'avoue. Et qui a pris le lead. Et ça passe donc un track, trois quarts de track hein, de ça retard. Va vite, hein. Et ça a passé, et voilà. Et un boom track hein, encore. Hein. Tu verras qu'on va en voir beaucoup des boom tracks. 4 points et ça colle derrière. Oui. Merci des précisions. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Même si c'est pas les seagulls qui jouent. Petite allusion. Exactement. Allez, troisième jam. 12 à 8 pour l'équipe de Pibrac pour le moment, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et on retrouve nos deux premières jameuses, il me semble, Raton contre Lucifer. Et donc, ça va être sifflé. Et toutes les bloqueuses. Il y en a une qui est en prison, par contre, pour les pour Bayonne. Une prison pour Bayonne. Et ça passe pour Lucifer assez facilement. Et ça patine assez vite. Hein. Ouais, elle a de la vitesse. On en parlait tout à l'heure. En sachant que Raton... Et derrière, ça suit. Derrière, ça Raton, suit. Raton patine très, très vite déjà. Mais alors, il y en a deux jameuses là, rapides. Hein. Ouais. Allez, qui va passer? Ça passe. Et c'est passé, ça va passer extérieur pour Lucifer, je pense. Et ça revient. Oh là, magnifique esquive. Et alors que Raton s'est fait recycler. Eh ben, Lucifer est passé, c'est ça? Ouais, Lucifer. Pour les premiers 4 points. Exactement. Et donc 4 partout. Enfin, pas les premiers de ce quatrième jam. Et Lucifer qui va lui. On va. Voilà. Ça va coller. Qui va faire un 8 à 4 pour ce. Pour ce jam-ci, 20 à 12 pour Pibrac contre Bayonne. En 5 minutes, voilà, le match qui commence tranquillement. On voit que pour l'instant, Pibrac a réussi à prendre le lead 2 fois d'affilée. C'est ce qui fait la différence. Mais rien de rédhibitoire pour l'instant. Vous avez eu des gros jams des gros scores sur le match d'avant? Oui, il y a eu autour de 11-12 quand même. Plusieurs fois. D'accord. Plusieurs fois pour... Pour l'équipe de Limoges surtout, et c'est ce qui a fait qu'il y a eu un gap de 60 points à la fin. Ouais, ça peut aller vite. Mais on sait qu'on peut vite revenir sur un bon jam aussi. Donc, Tout à fait. Alors que deux prisons pour Bayonne, est-ce que Pibrac va en profiter? En tout cas, ils prennent le lead. C'est joli hein, pour... Avec Jet, ouais. La jameuse. Il faut dire que c'est plus facile quand il y a deux bloqueuses en moins. Carrément. Yeah. La jameuse de Pibrac qui a fait une petite esquive du bloc. Ouais. Et ça repasse en plein milieu. Qui marque les points et qui colle. qui colle et donc qui vont commencer avec deux joueuses adverses en prison, je pense. Beaucoup donc de stratégie là, on colle vite, on marque les points, on arrête vite et on accumule les points. Exactement. Et donc on va être sur le jam numéro 5 bientôt, 24 à 12 pour Pibrac. Et ça va démarrer d'ici peu. Cinquième jam. Ouais. Et là, on voit beaucoup de vitesse. On voit aussi les bloqueuses qui prennent des vitesses, qui prennent un peu de vitesse et qui commencent le tour. Allez, qui c'est Tassinator pour la jammeuse. C'est passé avec beau. Un petit sprint pour Tassinator. Encore donc le lead qui est pris par Pibrac. Et alors, il est pas très loin. Hein, Bounty Hunter pour Bayonne. Est-ce que ça va coller? Non. Oui, ça colle. Ça colle et ça évite, donc ça marque pas de points, je pense, ou alors un point, mais je pense pas. La jammeuse de Pibrac qui a été rejetée, il y a eu trois points. Mais elle a été rejetée, elle était obligée de repasser derrière, et donc plutôt que de se dire je repasse derrière, elle a fait un call. Ouais. Et donc, le jam s'est arrêté, elle marque ses 3 points. 3-0 pour ce jam. Ça commence à se creuser tout doucement. Ouais. Mais ça se joue surtout à la prise de lead. Hein. On voit Bayonne qui a un peu de mal à prendre le lead. Donc c'est sûr que c'est un peu plus compliqué derrière de marquer des points. Ouais, avec les jammeuses de Pibrac qui sont rapides, hein. Ouais. Ils sont rapides. Ouais. Donc Lucifer. Allez, retour d'ailleurs Lucifer, on en parlait, voilà. Lucifer qui est passé assez facilement. Alors que c'est un peu plus de mal pour Ratan qui va encore. Ah non. Ouf, qui était pas loin de passer mais qui a perdu de la vitesse et qui. Allez, tentative. Et ça fonctionne. Et Lucifer qui va coller, qui va faire un boom track. Encore le fameux. Il y en a beaucoup, mais c'est vrai que c'est pas des gros jams depuis le début. Mais ça score à chaque fois, donc ça fait quand même un écart conséquent de quasiment 20 points, 19 points d'écart. Il y a beaucoup de stratégies là, je pense, sur ce début. Ouais. Après, je pense qu'il y a aussi à un moment donné, l'équipe qui va être un peu derrière va prendre un peu plus de risques pour essayer de revenir. Ouais, ils sont prudents hein, pour l'instant. Ouais, chacun marque ses points. Et... Donc. Alors, qu'est-ce qui se passe pourquoi est-ce que les arbitres sont... Alors, je sais pas qui a demandé. Je n'ai pas vu non plus. De voir les arbitres. Qu'est-ce en tout qu'on cas, a là marqué officiel review, on a marqué. Bon, ouais. Oui. Bon, à mon avis, c'est les... 7e jam à l'arrêt. Et on rappelle, 31-12 pour l'équipe de Pibrac contre Bayonne pour ce dernier match. Exactement. Au Pignada à Anglette, les arbitres discutent. Ouais. Alors peut-être on peut parler des derby names. Ouais. Alors, t'en as vu des pas mal dans le match d'avant? Ouais, après moi je... Tu regardes pas trop? Pas trop. Moi ça me fait beaucoup rire. Mais après ça fait la 3e manche que je fais. Mais c'est vrai donc que c'est pas bête je les de ai faire épuisés, mais moi ça me fait il y en a faire qui cette analyse, moi je suis souvent bloqué sur le jeu, le match, le jeu en lui-même et j'en oublie un peu les détails, j'ai les sites sans trop y réfléchir. Ah ouais. Moi il y en a qui donc chez les Valiants, il y a Fridal Colo qui me fait C'est rigolo. Fridal Colo, après je sais qu'il y en a un paquet mais je crois que dans on a Gerbe verte. chez les Seagulls, il y a quand même des très bons derby names aussi, il me semble. Est-ce qu'il y a un site qui recense tout, tous les derby names, qui recense français ou européen ou mondial, ça serait rigolo. Ouais. Un blog de derby names. Mais alors moi j'avais été voir les derby names américains. Ah. Et je dois dire qu'ils sont peut-être un peu moins. Moins fun. Ouais. Alors peut-être parce que je comprends moins les jeux de mots aussi en anglais. Mais quand même là il y en a qui sont très très forts, très très forts dans ce championnat. Et on rappelle donc. On a donc anciennement comment elle s'appelait je sais plus, qui est passé duchesse chez les Valiant Beaches. Ah bon? Oui. Okay. Qui a changé, qui était les deux premières manches du championnat qui avait alors j'ai oublié son premier derby name, mais qui a changé pour duchesse donc sur et qui a été admis sur cette manche de championnat. On peut changer comme ça? Alors, je crois que tu peux changer entre chaque manche de championnat. Ouais. D'accord. Allez, c'est reparti. C'est reparti. 8e jam. Et donc, il y avait un review et on était en power jam vu que la jammeuse de Pibrac est en prison. Je pense que c'est pour ça qu'ils regardaient. Et donc du coup, ça prend le lead pour Bayonne. Et 31-12 pour Pubrac. Et ça va essayer de passer. Ça bataille fort devant nous. Allez, repasse derrière Raton, la jameuse, je crois. C'est ça, tout à fait. Elle va arriver. Elle rentre dans le pack. Et Lucifer elle qui passe. Hein. Elle passe, c'est beau. Lucifer qui passe. Et c'est joli pour Pubrac, ouais. Vraiment. Et qui va vite, hein. Qui va très vite. Hein. On en parlait tout à l'heure, j'avoue. C'est assez surprenant. Raton déjà qui est une jameuse qui va vite. Et donc là, on a une belle. Une belle opposition avec des caractéristiques assez semblables. On en voit des fois des jameuses, certaines qui sont plus rapides, d'autres qui vont plus ouais. passer en force. Je trouve intéressant quand il y a des caractéristiques un peu différentes, et c'est assez sympa, mais c'est vrai que quand les deux vont très vite aussi, c'est quand même quelque chose à voir. Hein. Et là, on repart. 9e jam. Pour... ce 9e jam, on est à 31 pour Pibrac et 16 pour Bayonne. Et donc ça sort pour Bayonne. Et c'est Bayonne qui prend le lead. Alors qu'il y a aussi la pivot qui est partie en prison pour Bayonne. Et ça passe derrière un demi-track de retard pour Pibrac et Moonjet. Alors est-ce qu'elle va en profiter pour essayer de marquer des points? On va voir et recoller ouais. un petit peu à l'équipe de Pibrac. Moi je ferai un boom track. Et voilà, c'est collée, exactement. Ouais. Un boom track. On en parlait à l'instant, bravo. Un petit boom track. Et on est reparti donc pour un nouveau jam. Ça va assez vite quand même. Comparé au match d'avant, j'ai l'impression que ça avance. Oui, ça avance plus. Plutôt vite. Et c'est reparti ici. Et 31-20, ça se resserre doucement. Ça se resserre. Ben, un power jam, quelques points de marqués, et ça va plutôt vite. Hein. Donc ça bataille fort. Entre tout le monde, on voit la jameuse donc de contrebandista qui est passée, Bounty Hunter qui a pris le lead. Bounty Hunter hein. Et ça passe derrière avec un peu plus d'un demi-track de retard pour les Harpy Brackets. Je pense que ça va tenter un boom track encore si ça passe. Attention, ça va. Et on l'entend l'entraîneur qui lui a dit de coller. Et elle s'exécute, je pense qu'elle a mis 3 points. Et 3 points, si c'est le cas, on appelle ça un proto. Quand un boom track loupé d'un point, c'est un proto. Et on est reparti. Oui, tu vois, ça resserre encore puisqu'on est à 4 7 points d'écart. C'était un boom track. Hein. 7 points d'écart entre l'équipe de Bayonne et de Pibrac. Ouais, match assez équilibré, chacun a ses jams, chacun a ses points. Exactement, on voit des jameuses qui sortent une fois de chaque côté, c'est plutôt en alternance. Et Lucifer qui passe facilement encore une fois. Allez, 11e jam avec l'équipe de Pibrac, la jameuse qui sort rapidement. Et Lucifer qui va passer intérieur facilement. Elle s'assuit aussi pour Bayonne, mais colle, c'est collé. Hein. Oui, évidemment, dès qu'elle a vu la jameuse de Bayonne sortir, elle a fait son call. Exactement. Un peu la même stratégie depuis tout à l'heure. On marque un petit peu de points, on s'arrête, on les cumule et au final, on est déjà à 35-24. Après, ce qui fait la différence, c'est que les deux jammers passent en général. Il y en a une première et la deuxième passe pas très loin, ce qui empêche l'équipe adverse de marquer trop de points aussi. Exactement. Parce que si la jammer a du mal à passer derrière, ça colle moins vite, forcément. Et c'est passé, elle a pris le lead. Donc c'est Pibrac qui a pris le lead avec Tassinator et donc Raton qui est derrière, qui revient. Et ça a collé parce que justement c'était moins rapide sur les patins. Donc ça a collé et donc on est à 0-0 sur ce jam, 35-24. Il reste 17 minutes dans cette première mi-temps. 12e jam en cours. Exactement. Et on voit Bayonne qui met un peu de temps et un temps mort demandé donc par l'entraîneur, par le coach de Bayonne. Et donc on aura un petit moment de pause. J'en profite pour juste rappeler qu'on a, comme au premier match que j'ai commenté hier, on voit qu'il y a knockout en arbitre qui était une jameuse de Sam B qui s'était blessée lors de la première manche. Alors je pense qu'elle va être encore blessée. Et elle, sa spécialité, c'était de mettre des grands coups d'épaule à la jammeuse adverse qu'elle était à son niveau. Ok, d'accord. On avait d'ailleurs vu... alors, knockout, il y avait Lucifer qui l'avait fait une fois aussi, qui avait envoyé Valdengue dans les barrières, la jammeuse adverse. C'était assez violent. Et c'est vrai que c'est des choses qui sont assez beaux à voir, quand même. Qui donne du spectacle en tout cas. D'où son nom alors, Knockout. Je pense que ça vient de là, effectivement, je pense que ça vient de là. Et c'est reparti, tout le monde revient sur le track. Donc encore une fois, Raton face à Lucifer, deux jammeuses assez rapides. On voit quand même que sur ce schéma-là, c'est souvent Lucifer qui prend le lead. Et donc forcément, quand je dis ça, la prochaine, ça va être Raton qui va prendre le lead. C'est toujours comme ça que ça se passe. 13e jam. C'est un peu plus de mal. Et c'est Raton qui prend le lead, effectivement. Oui, donc ça recolle. Et donc ça prend le lead, ça va assez vite. Et ça va passer, non, ça a du mal. Ça bataille encore pour Lucifer. Et Raton qui passe, qui marque 4 points. Et qui passe. Alors ça va tenter un deuxième passage, je pense, avant que Lucifer arrive. Et effectivement. 35-28, 4 points marqués par Bayonne. Ça s'empale fort hein, dans le bloc. Lucifer qui marque 4 points également. Raton qui en a marqué 4, qui va marquer peut-être son 8, ses 8 points là, oui, et on en est à 8 pour... Son coach lui demandait de coller, elle a pas collé, et du coup, ça passe pour Lucifer qui va égaliser au nombre de points, je pense. 8 à 4, hein. Ouais, 8... parce que, mais Raton a marqué 4 points, je pense. Je pense qu'elle a passé les 4 et que quelqu'un est revenu. Mais ça passe de nouveau pour Lucifer. Qui apprend le large. Alors, sans avoir le lead, c'est quand même beau. Hein. Alors, Raton qui a hésité à coller. Alors, j'ai entendu son coach tout à l'heure demander de coller un peu plus tôt. Je pense qu'elle a fait un peu tard. Parce qu'elle avait un moment où elle a été en avance par rapport à Lucifer qui a bien, bataillé un petit peu en début de jam, qui a quand même bien limité la casse et qui a pris du coup plus de points que son adversaire. 12 à 8 dans ce jam. Et donc on est à 47 à 32, il reste 15 minutes dans ce match. Dans cette première mi-temps, pardon. Du dernier match. Exactement. Du jour et du week-end. Et du championnat. Et du championnat. Ici. Qui va rendre donc son verdict et bientôt on va voir. Moi ça fait 3 étapes que je suis quand même impatient de voir qui va gagner. Pour ces deux équipes, hein, c'est un match important comme on le disait tout à l'heure. Oui. En sachant que Bayonne peut passer devant donc les Valiant Beaches. Et que Pibrac peut passer devant les petites morts de Bordeaux et aller gagner ce championnat. Ça va se jouer là. Pour l'instant, c'est encore serré. 47-32. Rien n'est fait. Ouais, rien n'est fait. Effectivement, il y a la petite avance de l'équipe de Pibrac. Parce que, à mon sens, on a vu quand même beaucoup de fois la jammeuse hein, sortir plus rapidement. Donc ça sent là, ici, dans le score. Mais ce n'est pas non plus, c'est pas non plus si pénalisant pour le moment. Bayonne a su bien profiter de son power jam à un moment donné aussi. Ce qui a fait que. Parce qu'ils avaient 20 points d'écart. Donc du coup, ils ont réussi à revenir un petit peu. Et là, le score se stabilise un petit peu. On a eu du beau jeu. Pas trop de fautes comparé au match d'avant. Je trouve que ça, c'est assez serré. Alors là, on est en. Alors ça discute de quoi ? Alors, je pense que c'est un temps mort demandé. Non, c'est même pas un temps mort. Ça discute de comment s'est déroulé le championnat, sûrement. Ce qu'ils vont manger ce soir. Je vous le dis, il fait pas beau. Ma théorie lors de la première étape de championnat, c'était que les arbitres discutaient de ce qu'ils allaient manger le midi. Ah, je saurais. Que j'avais très faim, mais ça m'étonnerait que ça soit ça quand même. Ils se demandent peut-être où est-ce qu'ils vont aller skier, parce qu'il paraît qu'il y a de la neige partout. Ah mais il était temps il paraît. Moi je skie pas mais il paraît qu'il n'y en a pas eu. Il était temps. On est en mars quand même, donc forcément il était temps. Ça va être du ski de printemps. Et ben toujours discussion. Toujours discussion entre les arbitres. Malheureusement on n'a pas de retour nous de ce côté-là. Donc on ne peut pas savoir ce qui se dit. Mais je pense que c'est pour discuter. Tout à l'heure quand on savait pas, c'était pour envoyer une jammeuse en prison. Donc peut-être une prison. Ah, Mais voilà. Je pense qu'il y a une prison pour une... Pour une joueuse. Non. Il appelle. Voyons. Je pense est-ce qu'on sait ce qui se passe. J'ai la... On va voir. J'ai la coach des Valiant Beaches à côté de moi. Est-ce qu'on peut avoir des informations? Est-ce qu'on sait ce qui se passe sur cet arrêt? Non, j'ai dit, j'ai la coach des Valiant Beaches. Est-ce qu'on a plus d'informations? Est-ce que tu as une idée de ce qui se passe? C'est vrai qu'on n'a pas de retour, nous, sur ces temps de pause. Nous, les temps de pause, on comprend rien. Enfin, moi, en tout cas, je comprends rien, c'est ça, c'est sûr. Hein. Je les vois discuter, mais je ne sais jamais de quoi ils discutent. Sûrement qu'en fait, il faudrait qu'on regarde un peu plus près les actions pour comprendre. C'est compliqué, hein? Ouais. Et puis il y a tellement d'arbitres, on le rappelle, il y en a 1, 2, 3, 4, ouais, il y a 6 ou 7 arbitres sans compter ouais, la y a une table. Une bloqueuse de Bayonne qui va en prison, effectivement. Ouais, je pense que c'était pour débattre donc de ça, hein, de savoir si la faute méritait la prison ou pas. Mais en tout cas, tout ce qu'on peut dire, c'est que le jeu va reprendre. On est au Jam 13, Bayonne face à Pibrac. Première mi-temps, il reste 15 minutes. Pas beaucoup de points de différence. Non. Et c'est reparti. 15 quand même. Hein. Ouais, 15 points d'écart. Mais ouais, c'est rattrapable. Ouais. C'est reparti. Si, ça... Ce qu'elles vont donner sur ce 14e jam. Ouais, sa bataille dure. C'est assez compliqué de passer. Alors, ça essaye de sortir pour Pibrac. Ouais. Ça va peut-être passer intérieur, mais non, ça bloque bien. Hein, côté, ouais, ça bloque bien côté du côté Bayonne. Ouais, ouais. Ça bloque encore. On a la Jameuse qui tente. Elle sort la Jameuse de Bayonne. Elle est toco loco. Qui est passé, je ne sais pas trop comment. Je n'ai pas regardé, je ne la regardais pas du tout. En tout cas, elle a le lead pour ce 14e jam. Ouais. Et c'est. Voilà. Et qui s'est fait. Qui a failli passer en facteur, comme on dit, à l'intérieur. Mais non, qui s'est fait sortir, qui est revenu. Et ça a du mal à passer. Allez, ça sort pour Bayonne. Alors qu'une blessée pour Pibrac. Je pense qu'il s'est fait mal. Hein. Je vois pas trop où elle s'est fait mal. Mais on a vu que ça avait du mal à passer pour la jameuse de Pibrac. Hein. Ah mais mince, on a une joueuse de Pibrac au sol. Ouais. On espère que c'est pas trop grave, évidemment. Ouais, ça a l'air d'être le bras ou la hanche. Bon. Alors... Il y a une spécialité donc, dans le roller derby, c'est que quand il y a un blessé comme ça, les arbitres se mettent en mur devant pour pas qu'on voit ce qui se passe. Exact, c'est ce que ouais. Je vois en direct là, merci. Moi j'avais déjà vu ça avec des... Les seuls blessés que j'avais vus jusqu'à présent, c'était des arbitres qui s'étaient blessés. D'accord. Donc... Qui s'étaient cassés la cheville. Effectivement, là, ouais, ça permet d'avoir une certaine confidentialité. Donc oui. On a quelqu'un qui est en train de regarder ce qui se passe. Hein. On a un genre de... Enfin, un genre, on a un scoriste, alors c'est j'imagine. C'est les médics. Ils appellent ça les médics. Exact. Qui viennent. Je sais pas du tout s'ils sont médecins ou s'ils sont juste un petit peu... Non, je pense que c'est secouriste. Regarde, ouais. C'est quoi le geste de l'arbitre devant là? J'imagine ce signal avec les pouces sur le dos. L'un des arbitres. Pouces dans le dos. Ça doit être le fameux temps mort pour ouais, médic, je pense. Je pense. Sûrement. Alors qu'on voit qu'il y avait un photographe aussi présent tout le long du week-end. Moi, il était là dès le premier match d'hier. Ça en fait. Je pense qu'il a dû rester. Déjà, c'était le cas sur les autres manches. Donc, je pense que si vous tapez sur Internet le nom de cette manche de championnat. Donc, on rappelle qu'on est en N2 Roller Derby Zone 5, il me semble. Et donc du coup, si vous mettez la piñata, je pense qu'en trouvant, vous allez ouais, trouver ça doit des sortir. Photos. Hein. Moi, j'avais trouvé les photos de les photos des manches précédentes sur Facebook. Donc, si moi je le trouve, je pense que vous n'êtes pas plus bête que moi. Je pense. On va pouvoir lui demander hein, si on le croise tout à l'heure. Ouais. On lui demandera effectivement. Ça permet de suivre. Ouais, puis c'est sympa. Ça fait des jolies photos. Hein, c'est, De suivre en images sur Facebook ou sur Instagram au choix. Et alors je sais pas est-ce que Matine tout à l'heure a annoncé qu'il y avait un live YouTube. Est-ce qu'il est encore d'actualité ou est-ce qu'il est tombé à l'eau? Je ne crois pas. Parce que moi lors du premier match hier il était d'actualité mais alors la qualité était pas top. Il y avait un flux distribué. Exactement. Je sais pas, je pense qu'il pourrait être intéressant de passer, il faudra qu'on en discute avec Matine par d'autres plateformes comme Twitch peut-être et puis diffuser en direct hein, ça, Ouais. C'est pas si compliqué que ça. Bon, à chaque fois, quand je vois quand même la table devant moi, tous les câbles et toutes les consoles, on dit que c'est toujours facile, mais voilà, faut le mettre en place. Faut aussi s'y astreindre. Mais pourquoi pas essayer de diffuser via Twitch, hein. C'est là où fréquemment on a toutes les diffusions des matchs sportifs en direct. Moi je connais pas du tout, mais... Alors, ça se relève ? Ça se relève difficilement. Hein. Ok. Alors, je sais pas trop où est la douleur, mais ça a l'air d'être... En tout cas, si les patins sont levés, c'est qu'elle va pas reprendre. Hein. Ouais. Alors, les médics qui étaient au moins une joueuse des Valiant... Donc peut-être pas forcément connaisseuse de la médicalité, mais on est reparti, je pense que ça va repartir d'ici peu. Alors une joueuse qui sort, est-ce qu'il y a une autre joueuse qui rentre? Donc on me dit que non, j'ai demandé. Non, parce que c'est pas prévu. Non, je pense pas. Remplacement possible. Je pense pas. Parce que le roster est en place, et quand il est en place, il est en place. Le roster, on rappelle, c'est les... Ouais, vas-y. C'est la feuille de match, c'est les noms qui sont inscrits pour la manche de championnat. Alors je sais pas si on peut les changer entre les manches de championnat, je sais pas trop. Alors il y a une possibilité, c'est ça ? D'accord. Et bien donc il y a une possibilité donc de changer ces rosters entre les manches de championnat. Et on est reparti et on est en power jam vu que la jameuse de Dibrak est en prison. Et on est à 47 jam. À 36, ça se resserre. 11 points d'écart pour l'équipe de Pibrak qui est devant. Et donc Mounty Hunter qui est pas loin de passer et qui prend le lead pour Bayonne. Ça bataille un peu plus pour Moonjet de Pibrak mais qui passe finalement. Ça va tenter un boom track. Alors on voit... Voilà, boom track, ça a collé juste derrière. Alors je sais pas, elle a tapé dans ses mains avant d'arriver dans le pack. Je sais pas si c'est une tactique, si c'est pour prévenir ses collègues qu'elle arrive et ce qu'elle va faire. Mais en tout cas, je pense qu'il doit y avoir une signification. Nouveau jam, il reste 13 minutes, 47 à 40. Ça se resserre encore un peu plus, 7 points d'écart. Alors plus de power jam, mais encore une joueuse de Pibrak en prison. Et c'est reparti, c'est Lucifer, non, c'est Tassinator pour les Harpy Brakeuses en jameuse et El Toco Loco pour Contramandista de Bayonne. Ça a du mal à passer, les tripodes qui sont assez éloignés et ça passe pour Pibrak qui prend le lead. Et ça va, pour l'instant, ça se resserre 7 points de différence dans ce 16e jam pour l'équipe du Pibrak. Ouais. Mais il y a un lead en cours, donc on va voir. Et c'est... Ça chute. On a une joueuse, on a... Ouais, c'était chaud, on a failli passer dessus. Et Tassinator qui passe, qui marque 4 points, alors que la jameuse El Toco Loco 4 points de Tassinator. Et Bayonne qui a fait... Un star pass pour passer, donc qui fait son premier passage. Alors, il va y avoir un call, j'imagine. Pibrak. Voyons. Et ça a pas collé. Pour l'instant, elle continue. 8 points d'ailleurs. On entend ce. Ouais. Et on entend, on voit le coach de Pibrak qui demande à sa jameuse de tourner, de continuer à faire des tours. Hein. Qui fait tout le signe de la mer. 15 points d'avance pour le moment. 12e point sur ce 16e jam de l'équipe de Pibrak. Alors que 4 points pour Bayonne aussi. Ça va vite hein, sur ce jam là. Ouais. Mais je pense que Pibrak est un peu en confiance parce que ça a eu du mal à passer pour Bayonne. Donc se dit, c'est l'occasion de marquer les points. Et pour l'instant, ça continue à passer. C'est pas passé pour Bayonne. Donc ce qui amène le score à 16 à 4 dans ce jam. Alors un jam qui peut faire basculer cette première mi-temps. Donc le premier mi-temps qui était plutôt serré jusqu'à présent, qui va peut-être commencer à devenir à l'avantage de Pibrak. D'ailleurs, et ça passe encore pour Pibrak qui marque 4 points de plus. On voit le coach de Pibrak hein, qui est en train de faire le signe de continuer à tourner avec le doigt levé. Exactement. Qui indique justement à la jameuse de ne pas s'arrêter. Et il demande de coller. Et là maintenant, il demande de coller. 20 à 8, donc 12 points d'écart dans ce jam. Et du coup, ça fait de suite des petits écarts quand même. Qui a une cravate verte aux couleurs du t-shirt de Pibrak. C'est la classe américaine pour ce dernier match du week-end. Et du championnat. Du championnat. Je vais arrêter de faire ce lag. Et on est reparti donc avec les deux premières jammers qui étaient sur le track, avec donc Lucifer et Raton qui vont se frotter au pack. Personne en prison. Donc 17e un gros modèle, et c'est Raton qui prend le lead encore. Raton qui a le lead sur l'équipe de Bayern. Lucifer qui bataille un jam. Peu. Raton qui va revenir au niveau du pack, qui va essayer de marquer des points. Et Lucifer, on est en attente, hein. Ça c'est passe en train de passer. Lucifer, Raton a un peu de mal à passer. Mais le lead est toujours chez Raton qui est bloqué. Ah, c'est passé. Ça a été sifflé. Mais elle a marqué 4 points. Donc du coup, 3 points pour Bayonne et 4 points pour Pibrac, voilà, qui a collé un petit peu tard peut-être. Si elle avait collé un peu plus tôt. Qui est passé juste avant la fin du sifflet. Il hein. n'y aurait pas eu ces 4 points. Premier. Et 71-51 dans ce 17e jam. Toujours un écart. C'est qui nous fait combien de points d'écart ? Là, c'est facile. Hein. 20. Ah. Mathilde. T'es en train de tester mes calculs. Ouais, Mathilde m'a beaucoup ma capacité fait de calcul mental 2. M'a beaucoup fait de calculs mentaux durant les manches précédentes. Retour à l'école. Alors, quand on commence le roller derby. Alors Mathilde me regarde avec des yeux espiègles. Alors, je sais pas si c'est le mot, mais. Il tend des pièges même, j'ai remarqué aussi. Mais oui. C'est pas une bonne personne, hein. Moi je l'ai toujours dit, c'est pas une bonne personne. Allez, 18ème jam, 71-51 pour l'équipe de Pibrac. Et oh, ça chute, c'est intense, il y a de l'action. Ça envoie fort, ouais. Ça alors, cogne fort. Pas de lead pour le moment. Mais ça va passer pour Pibrac, on dirait. Donc on vous rappelle, hein, le lead, et il faut que la jammeuse dépasse le pack pour qu'elle commence. Pour qu'elle ait le lead et puis après qu'elle, pour marquer les points, elle doit faire un tour et complet. C'est le lead pour Bayonne et contre Bandista. Voilà. Pour Booty Hunter. C'est un peu plus de mal pour Moonjet qui était pas loin tout à l'heure et qui s'est fait recycler. Allez, on a le lead pour Bayonne. Est-ce qu'elles vont en profiter pour resserrer le score? Mais alors je vois pas si. J'ai l'impression que Moonjet est en prise. Non. Ah non, elle est derrière, pardon. Je l'avais pas vu. Donc Bayonne qui va essayer de passer, qui a pris le lead, c'est toujours pas passé pour Pibrac. Donc l'occasion pour Bayonne de marquer des points et de revenir un petit peu. Après il reste déjà plus que 30 secondes, 35 secondes dans ce, c'est vrai, dans ce jam. Qui a eu un peu de mal. Hein. Ah, ça a été chaud là aussi, il y a de l'action, on veut pas laisser passer hein, la jammeuse de Pibrac qui on la bloque. Bayonne qui va. Non, qui était pas loin de passer, mais qui est pas passé, qui a déjà marqué 3 points, je pense. Oui, elle n'arrive pas à utiliser le lead là pour le moment. Enfin, en tout cas, de jouer la carte. Alors qu'on voit l'Arital pour Pibrac qui s'est fait mal à la hanche en tombant. Oui, qui s'est fait mal à la hanche. Encore une fois, un match assez costaud. Et on voit que ça rigole pas dans les impacts. Hein. Ça se rentre dedans. Donc 7 minutes 40 dans cette première mi-temps de ce match, 71-55, un peu moins de 20 points d'écart. 18ème jam, et c'est reparti, et là ça bataille sec, personne en prison, donc allez, pas qu'est-ce qui se passe dans les packs, là ça sort, et hein, c'est passé. Tassinator qui prend le lead pour l'équipe pour de Pibrac. Avec Tassinator, et... Alors Tassinator qui a une visière sur son casque. C'est la seule. Derrière on a Raton. Ouh. Qui va tenter. Et Tassinator qui a gros tampon à Holy Monster, la pivot de Bayonne. Et qui avait fait un joli Tassinator qui marque les 4 points. Donc avec un. Et le coach qui demande de tourner. Ouais. Le coach qui fait signe à l'équipe de Pibrac de continuer. En tout cas à la jammeuse. Raton. Ah ça y est, Raton qui sort, donc Raton qui prend. Non, aussi. Raton qui marque 4 points. Hein. Qui marque 4 points, pardon, effectivement. 8-4, c'est allé vite là. Et puis Pibrac qui a envie de prendre des risques. Et, le coach qui demande de tourner, ça tourne. Ça passe assez depuis facilement. Tout à l'heure, hein, depuis tout à l'heure, il les incite hein, à tourner. Il les incite à marquer des points. Ouais. Et pour, je pense, marquer encore plus la différence. Ouais. Et creuser l'écart qui est pas assez conséquent peut-être pour lui, pas c'est suffisant. Vrai. C'est vrai. Mais on voit quand même que Raton a bien tenu derrière et passé. Ouais. Parce que c'est vrai que ça peut mettre la pression hein, quand on passe pas et que l'adversaire a déjà mis 4 points, on peut se dire merde, Ils ont marqué beaucoup, donc je pense que... Mais on voit Raton qui a bien tenu le choc. Après, Raton qui est très très souvent sur le track. Et c'était le cas dans les matchs précédents aussi, qui joue beaucoup beaucoup. Donc, qui peut fatiguer en fin de match. Et là, c'est parti. Allez, 20 points contre Raton. 20e jam. Donc. Là, Lucifer qui va en prison. Donc, on est en power jam pour Bayonne. Et Raton qui essaie de passer dans le. Dans le pack, c'est un peu compliqué. Il y a du monde. Il y a beaucoup, beaucoup de monde. Et qui va essayer de passer intérieur. Extérieur, non. C'est dur et ça va passer intérieur. Wow. Qui a mis un gros coup d'épaule. Les deux ont dû sentir l'impact, je pense. Hein. Ouais. Alors qu'on les a juste devant, on voit que il y a du gabarit. Hein. On voit qu'il y en a. Il y a des coups d'épaule que j'aimerais pas prendre. Hein. Et Lucifer qui revient sur le track en sachant que Raton est en prison, donc on est en power jam pour Pibrac et il n'y aura pas de lead dans ce jam, donc on ira jusqu'au bout du jam. Raton qui a fait son passage, son premier passage, et qui va peut-être marquer 4 points. Et Raton qui va bientôt revenir, qui se lève de la chaise pour revenir sur le track. Et Lucifer qui est bloqué, qui va essayer de passer intérieur, extérieur, qui essaie, qui écoute son coach. Pour ce 20e jam, pas de lead. Ouais. Et. Ouais, ça bataille sec et ça passe. Et une fois que tout le monde est tombé. Ça y est, tout le monde à terre. Toutes les bloqueuses sont tombées et donc du coup, Lucifer qui en a profité. Raton qui était un peu plus loin, on n'a pas pu en profiter. Et donc du coup, ça fait 4 points pour Pibrac. Pibrac, hein. Et ça passe. Non, c'est un peu plus compliqué. Ça va passer extérieur, intérieur. Ouah, le crochet. Et ça passe finalement pour Pibrac et Lucifer. Et qui marque 4 points de plus. 8-0 et ça colle. Ah non, c'est la fin du jam. Fin du jam parce qu'il n'y avait pas de lead. Donc du coup, on a été jusqu'au bout. Et il va rester 3 minutes 36 dans cette première mi-temps. 63 pour Bayonne, 91 pour Pibrac. Ça commence à être un peu... Ça se creuse. Ça se creuse un petit peu, ouais. Je cherchais mes mots, merci. Merci. Presque 30 points d'écart. On va arriver sur le dernier jam. Mais rien de rédhibitoire, il n'y a pas 50 points d'écart. Ça va être un match serré jusqu'au bout, je pense. Hein. Je pense, si Bayonne ouais, craque pas, ça devrait quand même être un match assez serré. Alors qu'on a un time-out. Je pense que c'est un time-out qui a été demandé par un coach. Ouais, exactement. Je pense que c'est le coach de Pibrac. Et ça discutait le coach de Pibrac qui est très actif et qui... c'est toujours difficile part, hein, de savoir. Ouais. Il motive l'équipe. Ah oui, il y a un championnat à aller chercher quand même, hein, donc forcément. C'est le moment. Il faut se motiver. Donc petite pause avant la mi-temps. 91 à 63. On attend que ça reprenne. Les arbitres sifflent et donc du coup, c'est reparti. Tout le monde revient sur le track. Donc Bayonne qui n'avait pas bougé du track. Par contre, Pibrac qui revient. Et on est reparti. Donc, jam numéro 20. Exactement. Pour ce bon match de roller derby. Les arbitres vont siffler. Ça va être reparti. Et c'est parti. J'ai un peu l'avance encore. Allez, on y va. Il reste 3 minutes hein, pour cette passe. Première période. Très facilement donc pour Tassinator et Pibrac en plein et milieu. Et ça prend le lead Tassinator dans l'équipe de Pibrac effectivement contre Bounty Hunter qui est en train de sortir. Qui sort aussi. Et ça va coller. Ouais. C'est un boom track pour Pibrac qui va marquer 4 points dans ce jam. 0 pour Bayonne qui va creuser encore un peu plus l'écart pour Pibrac. 95 à 63. Il va rester 2 minutes 50 et dans cette première mi-temps de ce dernier match de championnat. Ça se creuse. Tout doucement. Ouais. Tout, Toulouse, non, voilà. Ça joue bien, il n'y a pas trop de fautes. Je commence à fatiguer, je crois. C'est un match complètement différent de celui d'avant. Exactement. Et là, ouh, là, ça a mis un bon tempo. Allez, c'est parti du fort, côté là. De, ça continue de fort. Toco et Contrabandista. Allez, on a quoi, les jameuses? On a Mundiat contre le Toco Loco qui, Toco Loco qui sort, hein, la jameuse de Bayonne, qui prend le lead tout de suite, ouais, sur ce 22e jam. Exactement. On va voir si Mundiat arrive à percer. Donc, tea time, donc la jameuse de Pibrac, ah, qui fait son premier jam, je crois. Je ne l'ai pas vu encore en jameuse. Mais il y a eu un star pass, non? Je pense, même pas. Où c'est que tu... Bon. Je sais pas, voilà. En tout cas, El Toco Loco de Bayonne qui prend le lead, 22. Ah oui, il y a eu un star pass, effectivement. Oui, il y a eu un star pass. Hein. Et donc, c'est pour Pibrac qui est passé. Ça a collé pour Bayonne, qui a marqué 4 points dans ce jam. Et donc, du coup, ça amène le score à 95 à 67. Il va rester 1 minute 30 dans cette première mi-temps de ce dernier match du week-end. Et... c'est bientôt reparti. Alors, qui c'est qu'on a en jameuse? On a Lucifer et Bounty Hunter. C'est parti, et ça passe extérieur pour Lucifer qui prend le lead. Donc Lucifer et Pibrac. Hein. Pibrac qui va revenir. Ça passe aussi pour Bounty Hunter derrière. C'est... oh, Lucifer qui croyait être passé et qui n'est pas passé, qui a marqué quelques points et qui a collé. Je pense qu'on sera soit sur un boom track, soit sur un proto. Donc 3 ou 4 points. 40 secondes, hein. Ouais. 40 secondes. 40 sur secondes. Ce donc on va. 23ème jam. Ouais, trentaine de points d'écart pour cette première mi-temps, fin de première mi-temps. 30 points très exactement pour l'instant. 30 points exactement pour ce dernier match. Mais il y a 2 points qui sont en cours, je pense, pour Pibrac. Donc on va peut-être avoir 32 points. Alors, je sais pas s'ils ont été comptés ou pas. Trentaine, tu vois, alors, ça se creuse tout doucement, comme on le disait. C'est ça. Et donc là, dernier jam de cette première mi-temps, je pense. Il reste 18 secondes. C'est 15 secondes. Exactement. Et là, ça a du mal à passer. Oula, joli extérieur-intérieur de Pibrac qui passe en force la dernière bloqueuse. Tassinator qui prend le lead et ça passe un demi-track de retard pour El Toco Loco. Et donc c'est parti, c'est passé extérieur, ça marque 4 points et ça va coller. Et ça va être la fin de cette première mi-temps. 101 à 67, mais première mi-temps assez équilibrée. Pibrac qui sort en tête, qui a quand même pris un peu plus le lead, qui a pris un peu plus de risques aussi. On l'a vu, on l'a vu, hein, avec le coach qui demandait de tourner à certains moments. Et donc, du coup, pour l'instant, ce qu'on voit, c'est à peu près conforme au score. Exactement. Voilà, on vous dit à tout à l'heure. À tout à l'heure, on se retrouve dans une dizaine de minutes pour cette seconde mi-temps. Allez, à tout à l'heure. On est de retour donc pour cette deuxième mi-temps de ce dernier match de la journée, du week-end et du championnat qui oppose les Harpy Brakes aux Contrabandista, donc les Harpy Brakes de Pibrac et les Contrabandista de Bayonne. Ça va reprendre dans une petite trentaine de secondes. Je suis encore avec JC. Bien passé la mi-temps, JC? Merci. J'ai mangé 3 M&M's. Ah, bon, moi je me suis bouffé 3 bonnes poignées dans la première j'ai mi-temps. Vu, donc, je suis pas en manque de sucre. J'ai vu. Mais t'es jeune, tu peux. Oui. Tu peux en profiter. Moi, voilà. J'approche la cinquantaine, ça devient dur. Non, en vrai, t'as 50 ans ? En vrai, dans 3 ans. Ah ouais ? Ça fait mal. Hein. Alors, je te connaissais pas avant ce match et je t'aurais pas donné 50 ans. Allez, j'en reprends un pour fêter ça. Allez, tiens, je te donne un seul. Un petit M&M's. Tiens le paquet. Mon cardiologue m'a fait la morale la semaine dernière, ah, tu vois. Trop de M&M's. Et donc, c'est reparti pour cette deuxième mi-temps. 101-67. Exactement. Petit pronostic. Non, toujours pas, t'en veux pas ? Non, je me suis planté. ChatGPT m'a pas aidé, on est mort. Moi, pour l'instant, je suis pas mal. J'avais dit les Harpy Brakeuse qui sont en tête avec une trentaine de points d'avance, 34 pour être exact. C'est reparti, deuxième mi-temps. Et on va voir ce qui se passe. C'est parti. Donc, on a Tassinator pour les Harpy Brakeuse qui va prendre le lead directement. Et c'est un peu plus compliqué pour Bounty Hunter. Qui passe finalement. Hein. On va avoir peut-être une tentative de boom track pour Tassinator et les Harpy Brakeuse. C'est passé, ça a marqué 4 points. Mais le coach qui demande de tourner. Donc ça va tourner un petit peu plus. C'est, ça va en plein milieu. C'est, ça ne cherche pas à esquiver. C'est plutôt frontal. Et c'est passé aussi pour Bounty Hunter des Contrabandista qui marque 4 points. C'est de nouveau passé pour Tassinator qui est à 8 points, donc 8 à 4. Et ça colle, donc 8-4 pour ce premier jam de cette seconde mi-temps. Ce qui nous donne un score de 109 pour les Harpy Brakeuse et 71 pour Contrabandista. Un premier jam assez classique. On repart sur les bases de la première mi-temps. 4 points plus 4 pour l'Harpy Brakeuse qui colle. Voilà, que dire de plus. Premier review des arbitres. Ça va discuter. Ouais, on en a pas eu beaucoup, hein. Non. Non. C'est vrai. Je vais profiter de ce petit temps mort pour dire qu'on a eu des nouvelles de la joueuse blessée lors de la première mi-temps. Ah, super. Elle va bien. Parfait. Un petit coup, mais rien de bien méchant. Donc tout va bien, on est content. Parce que c'est vrai qu'il peut y avoir des blessures un peu plus importantes. Donc on est content quand il n'y a rien. Ça va reprendre une prison peut-être pour Pibrac, d'après ce que j'ai compris. Effectivement. Alors, je sais pas. En tout cas, ça rigole beaucoup entre les coachs. Ça fait plaisir à voir. Les joueuses aussi sourient entre elles. Les arbitres n'ont pas fini de délibérer. Ils ont parlé aux coachs. Ils ont dit ce qu'ils avaient à dire, je pense. Mais là, ils vont délibérer entre eux. Et la sanction va être donnée par un knockout du Sambé qui est arbitre donc sur cette manche. Et donc... Voilà, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, je pense qu'il y aura peut-être une prison pour une joueuse de Pibrac. Ça va repartir dans quelques instants. Et on est parti. Tout le monde est sur le track. Et c'est parti. Ok, donc il me semble que c'est Lucifer côté Pibrac et, en tant que jammeuse et ça va être El Toco Loco en face. Ça va fort et Lucifer qui passe et qui prend le lead. El Toco Loco, c'est un peu plus compliqué mais ça finit par passer avec un demi-track de retard. Lucifer qui va peut-être tenter un boom-track qui va tout droit. Et on est parti, Lucifer qui regarde un peu ce qui se passe derrière, qui marque 4 points. Et son coach qui va sûrement demander de tourner, vu que ça a marqué quelques points pour Bayonne. Ça a tenté d'en marquer 8 peut-être, et ça a marqué 4 points aussi pour Bayonne, en sachant que c'est passé pour Lucifer, 8 points, 8 à 4 je pense. À moins que Bayonne n'avait pas fait son premier passage, je sais pas. Ah non, c'est alors on est sur un power jam donc pour Pibrac qui peut prendre le large dans cette partie vu que donc du coup la jammeuse de Bayonne est en prison. Lucifer qui continue et qui marque 12 points et qui colle et donc on aura un power start. Power start, est-ce que tu sais ce que c'est JC? Pas du tout, tu peux power start, s'il te plaît. En fait, c'est un power jam. Et quand on commence un jam en power jam, on appelle ça un power start. Ça veut dire qu'il n'y aura qu'une jammeuse donc au départ de ce jam. Et on appelle ça un power start. T'es bien calé au niveau des règles, en tout cas, c'est parfait. Je commence à avoir quelques heures d'antenne de roller derby à mon actif, donc effectivement, j'en ai vu passer. Et j'ai commenté avec des joueuses de Valdevian Beaches qui ont pu bien m'expliquer les règles aussi. Ça, parfait. Ça y fait. Elles sont compliquées, ces règles, elles m'ont mis du temps. Et puis même, on comprend encore pas tout, on voit bien avec les arbitres, donc... On voit bien avec les arbitres, donc du coup qui demandent, quand ils parlent entre eux, on ne sait pas forcément ce qu'ils se disent. Donc voilà. On est reparti sur le jeu. Ça a du mal à passer. Les deux jammers poussent face au tripod adverse et on a vu une bloqueuse donc de Pibra qui va essayer peut-être d'aider à passer sa jammeuse. Et ça a du mal à passer, c'est assez long. Déjà 40 secondes dans ce jam, toujours pas personne qui est passé. Et là, c'est compliqué. Oula, ça pousse fort pour Pibrac. Ça pousse fort aussi pour Bayonne. Et c'est compliqué. Et personne donc sur ce jam. On est reparti. Ça a un peu baissé les bras, j'ai l'impression, pour Moonjet et Pibrac, alors que... Oui, ça semble un peu moins... C'est un peu moins ancien, mais après, il faut dire qu'au bout d'une minute vingt, on doit être bien, bien fatigué quand on a poussé. Et puis, c'est le dernier match de la journée, il fait un peu frais ici, et j'avoue. On a vu un star pass pour Bayonne, et on est en power jam, donc... Alors, je crois que quand on fait un star pass, on peut pas prendre le lead. Et comme l'autre est en prison, je pense qu'on ira au bout de ce jam. Je veux pas dire de bêtises, mais je pense que personne n'aura le lead et on ira au bout. Bon, il reste que 15 secondes, hein, on va pas se mentir. Allez, un score qui commence à être... Lourd. Être lourd. Plus lourd. Tout à l'heure, on était quoi? Ils ont maintenu une quinzaine, une vingtaine de points sur la première. Et là, on approche les 50 points, hein, donc forcément, ça commence à être un peu... plus dur à remonter, surtout quand on voit que Pibrac essaie de prendre des risques, essaie de tourner un petit peu plus. Je pense qu'à un moment donné, ils vont commencer peut-être à marquer leurs points et pas prendre de risques. Parce qu'on sait qu'à trop jouer, des fois, on peut aussi, ça peut se retourner contre nous. Donc, on est reparti donc, pour un nouveau jam. 121 pour les Harpy Braqueuses et 79 pour les Contrabandistas. Donc, les Harpy Braqueuses de Pibrac et Contrabandistas de Bayonne. Ça passe assez facilement pour les Harpy Braqueuses et Tassinator. Ça passe un demi-track de retard pour Raton derrière et Bayonne. Donc on est parti. Donc ça va passer et ça va coller. Donc on est sur un boom track. Mais alors je crois que l'arbitre est en train de dire qu'elle a collé un peu trop tôt avant de marquer les 4 points, donc on va être sur 3 points, je pense, parce que l'arbitre Maïté Refendark. Alors j'ai pas le jeu de mots, est-ce que toi tu l'as, Maïté Refendark? Maïté Refendark. J'ai pas. Mathilde, peut-être qu'elle est juste derrière nous, est-ce qu'il a la référence du jeu de mots Maïté Refendark? Non, il y a un jeu de mots. Non, je l'ai vu passer non plus. Mathilde, il a. Alors à la base, c'est une référence à un groupe de métal qui s'appelle Immortal. Qui avait une chanson, je ne sais plus comment ça s'appelait, et cette chanson avait été parodiée par Ultra Vomit avec Maïté Refendark. Et donc elle a fait une espèce de double référence à Immortal qu'elle aime beaucoup et ensuite un petit peu moins Ultra Vomit. Ouais, Mathilde, quelle culture, tu m'impressionnes. T'es pas un mec sympa, mais t'es cultivé. Sa chambre. Et donc là, on a donc les arbitres qui discutent entre eux. Moi, je pense que c'est pour savoir si c'est 4 ou 3 points pour Pibrac. Parce que je pense qu'elle a collé un peu vite avant d'avoir passé la quatrième joueuse. On va essayer de... On va voir, hein, on va voir le résultat. Hein. Ah ben ça, il y a marqué 4 points au tableau d'affichage en tout cas. 4 points et il va rester 23 minutes 50. Dans cette deuxième mi-temps de ce match et c'est reparti donc les 4 points qui ont l'air d'avoir été actés. 125 à 79 toujours pour Pibrac face à Bayonne et on est en power jam, c'était plus ça je pense qui était en jeu, donc La jameuse de Pibra qui est en prison, Power Jam pour Bayonne, est-ce qu'ils vont en profiter? C'est Raton qui est en jameuse, qui est bloqué pour l'instant dans le tripode de Pibrac. Mais qui va finir, non, qui, je croyais qu'elle était passée intérieure, et c'est fini par passer, et elle prend le lead. Hein. Elle prend le lead, et on voit la jameuse de Pibrac qui va faire son retour bientôt. Allez, Raton, toujours devant, effectivement, enfin en tout cas, qui prend le lead. Qui passe avec un joli... Derrière, c'est chaud. Et Tassinator, il me semble, qui va passer aussi, hein. Donc je pense que Raton va peut-être passer et coller, à l'au moins va essayer de rattraper leur retard, parce qu'il y a une bloqueuse de Pibrac en prison, mais ça colle pour Raton. Ouais, oui. Et ils vont commencer le jam suivant avec une prison, c'est peut-être ça aussi la tactique, hein, parce que commencer un jam, ça veut dire prendre le lead peut-être plus facilement. Et on sait que prendre le lead, c'est souvent marquer des points. Donc ça commence par là en tout cas, pour marquer des points. Il vaut mieux avoir le lead, à part quand on s'appelle Lucifer et qu'on arrive à retourner une situation, hein, bien sûr, comme on l'a vu tout à l'heure. Lucifer, la championne. Exactement. Alors je crois qu'il y a Lucifer qui est une joueuse très jeune, m'a-t-on dit, et qui est surclassée un petit peu. Je crois qu'il y a une équipe de France jeune. Et je mets une grosse parenthèse, mais je crois que c'est ça. Et Lucifer donc qui prend le lead, c'est plus difficile pour le Toco Loco de Bayonne de passer. Lucifer qui s'est fait qui s'est pris un grand coup d'épaule. El Toco Loco qui est dans le trafic, qui a tenté un star pass. Donc c'est la pivot de Bayonne qui a l'étoile à la main. Lucifer qui continue, qui est passé une première fois, qui a tenté de passer une deuxième fois. Et donc c'est Ellie Monster qui a pris l'étoile, donc c'est parti pour elle. Elle a un peu plus de mal à passer, et Lucifer qui marque 4 points de plus, et ce qui amène à 8-0. Et on va être en power jam. Non. Alors elle a pris la direction de la prison, mais elle n'y a pas été sûrement. Et là, Lucifer qui a fait un passage magnifique intérieur, qui a sauté par-dessus la ligne de track intérieur et qui a réussi à faire son quatrième passage, ce qui amène à 12, alors que c'est passé également pour Ellie Monster et qui marque 4 points. Donc 12-4, c'est repassé pour Lucifer et les Epibrac, ce qui fait 16-4. Ça va très vite dans ce jam. Beaucoup de points pour Pibrac qui va commencer vraiment à prendre le large dans ce match. C'est un peu plus compliqué, ça passe quand même pour Bayonne, mais c'est à chaque fois un peu plus compliqué. Donc Pibrac qui continue vu qu'il marque plus de points. Est-ce qu'il y aurait un dernier passage pour Lucifer? Je sais pas, en tout cas c'est passé pour Ellie Monster qui marque 8 points, donc 16-8. Et ça passe également pour Lucifer qui va marquer 4 derniers points, ce qui va faire 20-8. Donc beaucoup de points dans ce jam. Pibrac qui va encore prendre un peu plus d'avance, 145-95. Les 50 points y sont. On a vu le coach de Pibrac qui est venu sur le terrain, qui a demandé je ne sais quoi. Qui est actif, hein, on disait tout à l'heure. Hein. Ouais. Il est dans le match en tout cas. Et les arbitres qui discutent encore, qui vont prendre sûrement des décisions. Ça va bientôt reprendre. On est sur un petit temps mort alors qu'on voit une joueuse de Bayonne qui récupère les jambes en l'air sur le banc. Une drôle façon de récupérer. Assez étonnant. qui doit avoir mal aux jambes, qui essaie de fluidifier la circulation sanguine. Et ça va être... reparti alors qu'on voit que Pibrac a deux bloqueuses en prison. Allez, pendant ce temps-là, j'ai demandé à ChatGPT, est-ce que l'équipe de Pibrac va gagner ce match contre Bayonne? ChatGPT m'a répondu, je ne peux pas prédire l'issue spécifique d'un match de leur roller derby. Les résultats dépendent de nombreux facteurs, notamment les performances individuelles et d'équipe, les stratégies utilisées et la dynamique du jeu. Ah oui. C'est un peu con ce truc en fait. C'est un peu con. Ça sert à rien. Parce que moi aussi je peux le dire ça. Est-ce que j'aurais plus de connaissances qu'Internet? Belle dynamique de jeu. Est-ce que j'ai plus de connaissances qu'Internet? En réglementation de roller derby, je sais pas, on peut le tester. Tu veux qu'on on peut tester ChatGPT après sur le Star. Non, c'était quoi ton power? Qu'est-ce que tu m'as dit tout à l'heure? J'ai dit power jam, j'ai dit power start. Ah. Power start. Exactement. Et donc c'est reparti. Bientôt les deux jammeuses. Donc Bayonne qui va sûrement prendre le lead parce que il y a deux bloqueuses de Pibrac en prison. Ça peut faire une grosse différence. Il reste 20 minutes tout pile dans cette seconde mi-temps de ce match. 145 à 95. Ça va être compliqué. Et ça va être reparti d'ici très peu de temps. C'est reparti. Et Bayonne, effectivement, qui va... Oula, qui se fait bien bloquer quand même. Les deux bloqueuses de Pibrac qui n'ont pas démérité. Mais ça prend le lead pour Bayonne. Ça a un peu plus de mal pour Pibrac à passer. Forcément, il y a du monde en prison pour Pibrac. Donc, oula, c'est pas assez pour Pibrac au final. Alors que Bayonne n'a toujours pas marqué ses 4 points. On a marqué quelques-uns, mais... Qui va se retrouver en tête à tête avec la dernière bloqueuse et qui colle. Ce qui nous fait effectivement un boom track, un peu laborieux, mais un boom track quand même, j'ai envie de dire. C'était pas le plus beau, mais c'était un boom track. 4 à 0 dans ce jam pour Bayonne. Donc, du coup, ce qui nous amène Bayonne à quasiment 100 points, 99. Sur ce 7ème jam. Ouais, à 145. Alors Matin qui me fait des signes que je ne comprends absolument pas, il est content, il a sa tête là, sa petite tête. J'ai même l'impression qu'il invente les signes exprès ouais, pour nous perturber. Pour me déstabiliser, oui, il a quelque chose. Mais il a quelque chose, il a une dent contre moi. Ouais. Je pense qu'il a quelque chose à me reprocher. Je sais pas quoi, mais il a quelque chose à me reprocher. Je pense que, ouais. Pour ceux qui nous suivent très régulièrement sur Radio No Culture, on voit bien que déjà sur les... Sur les blind tests, déjà il fait tout pour que je perde. Ça c'est quelque chose que j'ai remarqué et qui est très persistant parce qu'il y en a eu deux récemment où Matin fait exprès de mettre des chansons que je ne connais pas et que mon adversaire connaît pour que je perde. Est-ce que tu trouves ça normal toi? Non, c'est plus du jeu ça. C'est de la haine. Et il a même fait pire. C'est du mauvais gain, c'est du mauvais esprit. Tu sais ce qu'il a fait? Il a quand même fait un blind test moi contre quelqu'un d'autre en sachant que l'autre personne. Donc Seb était muet. Non, avait déjà fait ce même blind test l'année d'avant. Non mais c'est ça, c'est vrai. Mais c'est du mauvais esprit. Et ça il me l'a dit qu'après. Donc franchement, c'est un mélange de malveillance et de mauvais esprit. Exactement. On est d'accord. Bon, alors qu'est-ce qui se passe sur ce 7ème jam de la deuxième mi-temps là, il y a eu encore un il y a encore beaucoup d'arrêts dans cette deuxième mi-temps. Autant la première a été assez rapide. Malgré donc la blessure à un moment donné, la deuxième est un peu plus lente. Il reste 19 minutes et 5 secondes, 145 à 99. On dirait qu'il y a encore des discussions entre les coachs, les arbitres et un peu tout le monde. On voit qu'il y a des changements. C'est Raton qui revient sur le track. Et on va être donc... sur un nouveau jam, le jam numéro 7. Et c'est reparti. Ça va être une belle fin de match, même si on voit que quand même les Harpies Braqueuses ont pris un peu d'avance, mais on ne sait jamais. Un joli jam de Bayonne, n'est-ce pas? Ça peut revenir assez vite. Hein. Donc, on est reparti. Ouah, ça tamponne fort pour Raton. Raton qui essaie de passer, qui va passer extérieur. Ouais, ça passe pour Raton. Et donc Pibra qui fait un magnifique star pass. Ouh, ça a défendu sec, ça a pris un joli coup. Hein. Et donc ça passe intérieur donc pour Raton avec un joli crochet. C'était passé aussi pour Pibrac, je ne l'avais pas dit. Avec Ninecorn, je ne sais pas trop. Ça passe de nouveau. Mais non, elle s'est fait sortir juste devant nous. Et ça passe pour Atan qui va marquer 8 points pour l'instant. Donc est-ce que ça peut être un jam, ça peut être un jam qui les fait revenir au score, hein. Clairement, ça peut revenir au score assez facilement. Et ça passe. Donc ça va marquer 4 points aussi du côté de Pibrac. Hein. C'est les deux jammers qui sont l'une à côté de l'autre, sauf que Bayonne a marqué 12 points et Pibrac en a marqué que 4. Ça se fait recycler pour Pibrac. Ça passe encore pour Bayonne qui marque 4 points, 16 à 4. Ça va revenir un petit peu au score dans ce jam, pas assez je pense pour être collé, mais ouais, ça va être compliqué, mais Bon, c'est comme ça qu'on revient, hein, petit à petit. Bayonne qui a refait un passage, qui a collé, donc ça nous fait 20 à 8 plus 12, ce qui fait un joli jam pour Bayonne, hein, ce qui amène le score à 153 à 119. Il va rester 17 minutes dans ce match et puis Brac qui a une petite avance, mais Bayonne qui revient sur ce jam. Donc on ne sait jamais, il faut quand même essayer donc de prendre le lead, hein, comme on a appris à le dire, le lead est tellement important dans ce sport que c'est vraiment la chose numéro 1, celui qui prend le lead a quand même beaucoup plus de chances de marquer des points. Et c'est Bayonne qui prend le lead encore, hein, avec Bounty Hunter face à Lucifer. Lucifer qui est passé derrière, qui patine très vite pour revenir, qui avait une demi-track de retard, qui va quasiment arriver en même temps que son adversaire sur le pack, qui va passer, Lucifer qui passe alors que Bounty Hunter avait collé, et Lucifer qui a dû marquer des points aussi, et qui a marqué 3 points, donc 3 partout dans ce jam. On voit que le lead a été pris, mais encore une fois, Lucifer a réussi à limiter la casse, et a marqué 3 points, donc autant que son adversaire, donc ce qui nous fait le même écart de points qu'avant le jam. Ce qui nous amène le score à 156 à 122. Et donc le coach de Pibrac qui demande un temps mort. Donc il y aura un petit temps mort. Mais je pense qu'il sent que son équipe a un peu plus de mal sur les deux derniers jams. Donc il va peut-être leur parler un petit peu. Les arbitres qui discutent entre eux encore tranquillement. Qui se désaltèrent. On voit le coach de Pibrac qui parle encore beaucoup à ses joueuses, un peu moins celui de Bayonne, on voit qu'il est plutôt calme. Ça va reprendre d'ici peu. Je sais pas du tout combien ça dure. Est-ce que tu sais toi combien ça dure un temps mort? 40 secondes? 45 secondes? Franchement, une minute. Je suis pas aussi calé que toi. J'en sais rien, j'ai jamais... Alors, 45, non, c'est pas 45, ça va être un peu plus, vu que ça fait déjà 45 secondes. Petit rappel peut-être du classement. Pibrac qui prendrait donc la première place face aux petites morts de Bordeaux. Contre les Magistrats de Bayonne qui jouent donc du coup la place face aux Valiant Beaches et qui pourraient leur shipper la quatrième place, il me paraît. Donc ça ferait quoi du coup là? Alors je croyais que je l'avais devant les yeux, mais je l'ai pas. Mathilde me l'avait amené, je sais pas où c'est qu'il a mis. Il a dû le garder pour lui, il aime bien avoir les classements. Mais il me semble qu'il doit y avoir Pibrac, et s'il gagne ce match, avec les petites morts de Bordeaux. Il doit y avoir les Porcelain Dolls, pas loin. Il doit y avoir les Valiant Beaches, Bayonne. Et après, je sais pas, derrière. Pas facile. Pas facile. Mais ça passe pour Raton, qui prend le lead de nouveau. Hein. C'est pas très loin pour Pibrac, qui a failli prendre un gros coup d'épaule, mais qui a esquivé au dernier moment. Et c'est parti, Bayonne. Allez. Qui est passé, c'est un boom track donc pour Raton. 4 points de plus pour Raton, donc 156 à 126. Ça resserre un petit peu. Ça resserre un petit peu, mais rien de rédhibitoire. 30 points d'avance, c'est un petit matelas quand même encore. Mais il faut pas non plus trop s'endormir, il faut essayer de prendre le lead. À un moment donné, ça fait longtemps qu'elles n'ont pas pris le lead. Les joueuses de Pibrac, il faut essayer d'inverser la tendance. Effectivement. Donc c'est reparti. Et donc, Bayonne qui va... Oh, okay. Bayonne qui a mis un grand... un grand coup donc sur sur une bloqueuse de Pibrac et c'est donc Bounty Hunter de Bayonne qui a pris le lead encore une fois et c'est passé en star pass un faux star pass pour Pibrac Moonjet donc la jameuse qui avait mis son étoile dans la main en faisant croire qu'elle allait donner qui ne l'a pas donné et qui est passé finalement et ça colle pour Bayonne qui a marqué 2 points 3 points et 0 pour l'air Pibraqueuse alors que la jameuse de Bayonne avait pris un petit coup de Pibrac avait pris un petit coup dans le nez il me semble, non de Bayonne avait pris un petit coup dans le nez. On est reparti pour ce nouveau jam jam 11 pour ce dernier match du week-end entre les Harpies Braqueuses et Contrabandista de Bayonne. Et c'est reparti, ça a un peu de mal, ça passe encore. Allez, pour Bayonne hein, qui prend le lead, suivi de très près par Tassinator, les deux patinent plutôt vite. Est-ce que ça va arriver? Oula, ça, Tassinator qui est revenu sur Bayonne, hein, donc ça va passer assez vite aussi. Oula, Tassinator qui a vu une porte, qui va peut-être marquer. Ah, et voilà. Et Bayonne qui avait pris le lead, qui marque un point alors que Pibraca n'avait pas le lead et elle a marqué deux. C'est peut-être ça qui fait la différence aussi. Pibraca qui a réussi sans prendre le lead et a marqué plus de points que son adversaire de temps en temps. Et c'est peut-être ça qui a fait la différence. 158 à 130, 28 points d'écart entre les deux équipes. On est reparti pour un nouveau jam. Un petit 30 points. Un petit, ouais. Et Raton côté Bayonne en tant que jameuse. Et c'est Lucifer côté Pibrac qui passe Lucifer et qui prend le lead. Raton qui est encore dans le pack. Qui a un peu plus de mal à passer. Je vois pas où elle est. Et ça va passer pour Lucifer bientôt. Lucifer qui va passer, non. Je croyais qu'elle était passée là où j'étais. Mais Raton, elle a le. Elle a tentative de Star Pass. Raton qui a l'étoile à la main. Et oh là, Lucifer qui s'est fait mal. Qui est KO, on dirait. Qui a recommencé à patiner et qui est tombé de nouveau. Qui a dû prendre un petit coup en espérant que ça soit pas trop grave. Donc Bayonne qui va. Ouais, alors voilà, comme tout à l'heure, hein, un arrêt médical. Donc les arbitres qui se mettent devant la joueuse blessée, qui est par terre, qui avait l'air d'avoir pris un coup. Donc on rappelle Lucifer qui a pris un coup, qui s'est relevé et qui est retombé, qui a l'air KO, hein, la pauvre. C'est vrai qu'elle est très visée, je trouve. Up and down. Donc on va attendre de voir en espérant qu'elle se relève, hein, parce qu'elle avait l'air d'avoir pris un coup à la tête quand même. Elle avait l'air un petit peu sonnée. Après, on rappelle qu'ils ont l'équipement qu'il faut quand même. Hein, donc chaque joueuse a un casque, des coudières, des protèges pour les mains, des coudières, des genouillères. Et Lucifer donc qui sort sous les applaudissements du public, qui a encore fait un joli match, qui a marqué beaucoup de points. Et on est reparti, ça va reprendre assez vite. Alors on espère que c'est pas grave. Bon, elle a l'air de s'être bien relevée quand même, hein, donc ça devrait aller pour elle. Un petit hop et ça repart. C'est ça. Mais voilà, deuxième blessure du match. Bon, mais des petites blessures, hein, ça arrive. C'est le sport, hein. C'est que quand on fait rien qu'on se blesse pas. Donc, ouais. C'est normal, tout est normal. Ah, puis c'est du derby, hein. Ben oui. Il y a du contact, donc forcément, il y a des fois où il n'y a pas forcément le bon coup au bon moment. ChatGPT le dirait, hein. Qu'est-ce que le roller derby? C'est classé en sport de... Pas de combat, mais c'est classé en sport de, je sais plus... De contact. De contact, pardon, oui, tout à fait. Oui. Bah, ça ne m'étonne pas. Hein. On est à peu près sur du rugby, hein, dans les contacts, je pense. Hein. Pas loin. Ouais. Encore une petite pause, du coup. On voit les monkey track. Est-ce que tu sais ce que c'est les monkey track? C'est ceux qui mettent le scotch. Exactement. Qui pourquoi le... monkey bon. Ah, je sais pas. Aucune idée. Il faudrait peut-être... Je pense que si on demande à beaucoup de gens, il y en a beaucoup qui ne savent pas. Je pense que tout le monde sait comment ça s'appelle, mais pourquoi Est-ce ça s'appelle comme ça? C'est le okay. fait qu'ils aillent partout. Hein, ouais, gauche, je pense. Un petit. Je pense que ça doit être ça. Alors que là, c'est, on rappelle, hein, c'est l'équipe. Alors quand on était à Mérignac sur les deux premiers, sur les deux premières journées de championnat, c'était donc l'équipe du Sambé qui organisait. Donc c'était eux qui faisaient un peu tout, donc bénévolement. Et on rappelle que c'est un sport bénévole. Et aujourd'hui, on est donc à la Piñada Anglette et l'équipe locale, donc les Valiant Beaches, c'est celle qui organise tout et qui sont aussi tôt le matin, voilà. qui se couche tard le soir, il paraît, pour l'organisation. Exactement. Donc on remercie tout le monde et puis de la bonne accueil parce qu'on a été très bien accueillis encore une fois, très sympathique. Et là, on a une Monkey Trek qui nous sourit, qui a fait un beau championnat aussi que vous avez pu écouter sur nos antennes, La Sueur. Donc voilà, on la remercie, on remercie tous toutes les Valiant Beaches pour leur beau championnat et l'accueil de cette dernière manche. Allez, ça va repartir dans d'ici peu, je pense. Alors je sais on pas. On était à quoi, 13e jam, hein ? Une trentaine de points. Ouais, c'est ça, ben 31 points d'écart. Donc 161 à 130. Et on voit que les arbitres discutent peut-être par rapport à un coup ou à une prison qui aurait... Peut-être à la chute Ouais, peut-être que ça a été dû... J'ai pas trop vu la chute, donc peut-être qu'il y a eu un coup malencontreux qui fait que... Donc peut-être ils discutent de ça. Moi, je n'ai pas vu, pour être honnête, donc je vais pas m'exprimer là-dessus. Mais tout à fait, espérant que ça me parte assez vite. Donc là, les arbitres qui vont... donner l'heure délibérée, ça a l'air de vouloir reprendre parce que les joueuses qui reviennent sur le track, exactement. Back on the track. Tu parles anglais, hein? Ouais, puis il y a une rime, c'est cool. Ah ouais, c'est vrai. Back on the track. Alors, qu'est-ce qui se passe pour ce 13e jam? Il reste quoi, une douzaine de minutes? Ouais, 12 minutes et 16 secondes. Moi, j'aime la précision. T'es le vrai montre suisse. Exactement. Allez. Et on est parti avec donc Bounty Hunter et Tassinator. Oh, ça sort vite, hein, encore. Et donc Pibrac qui prend le lead avec Tassinator. C'est un peu plus difficile pour Bounty Hunter et Bayonne. Qui se fait bien bloquer, hein, bien bloquer. Mais qui finit par passer. Tassinator qui est dans le trafic. Bounty Hunter qui va faire son tour pour revenir sur le pack. C'est compliqué. Et donc, prison. Donc, Power Jam. Prison pour Tassinator. Et donc, du coup, Power Jam pour Bayonne. Et donc, on ira au bout de ce jam, vu que plus personne ne pourra prendre le lead. Et 4 points de marqué pour Bayonne. Donc, on ira jusqu'au bout des 2 minutes. Il reste 1 minute 0-1. Donc, l'occasion pour Bayonne de revenir un petit peu au score. Allez, alors on voit que Pibrac essaie de patiner assez vite pour éviter de marquer plein. Ça chute fort. Hein. Ça chute c'est très fort. Hein. Parce qu'on est l'autre côté et on entend quand même la chute des joueurs. Donc, c'est reparti. Les deux jameuses sont sur le track. Hein. Et les 4 premiers points aussi pour l'air Pibraqueuse. Et Bayonne qui marque 4 nouveaux points. Donc 8 à 4 dans ce jam. Bayonne qui a pas trop su profiter de son power jam, qui est un peu bataillé, c'est un peu dommage, et c'est repassé encore pour Pibrac, ça a beaucoup plus de mal pour Bayonne, et il reste 11 secondes, une prison pour une joueuse de Bayonne, et donc ça va revenir encore pour Pibrac, 8 partout, et c'est fini. Bayonne qui va marquer 4 nouveaux points, Pibrac 1 point, ce qui va nous faire 12 à 9 sur ce jam. Et l'écart qui se réduit un tout petit peu. Je pense quand même que Pibrac va s'imposer, ça va être très compliqué pour Bayonne de revenir. En sachant qu'il y a 28 points d'écart entre les deux équipes. Il faudrait 2 gros jams ou 3 gros jams de Bayonne pour revenir. Donc ça s'annonce quand même assez compliqué. Mais voilà, encore une petite pause. Les arbitres qui discutent. C'est vrai que le match est quand même assez haché. Il n'y a pas trop de rythme. Le temps qui est encore arrêté. J'espère que ça va aller. Et que ça va reprendre assez vite. Je pense qu'il y a encore une décision par rapport à une prison qui doit être prise. Mais j'en sais trop rien. Comme à chaque fois, quand on a des décisions d'arbitre, on sait pas trop. On est un peu dans l'attente, mais ça a l'air de vouloir reprendre. En tout cas, les joueuses sont sur le track, prêtes à en découdre. Les deux jammeuses sont à leur place, les bloqueuses sont à leur place. Il y a une joueuse en prison pour Bayonne, et ça va être reparti. Avec, par exemple, quand on parlait des Derby Dames, il y a une arbitre qui a le Derby Name moldu cul. Je trouve ça assez drôle. Moldu. Toujours à la recherche des Derby Names. C'est ça. Moldu, crazy Derby Name. En deux mots, hein, ouais. Moldu. Moldu. Donc, comme dans Harry Potter, et Q, la lettre Q. Et donc, Bayonne qui prend le lead avec El Toco Loco. Moonjet qui a un peu plus de mal, qui est dans le trafic. Et El Toco Loco qui... Oula, alors qu'on voit un arbitre qui se penche en avant pour voir s'il ne met pas les bras, je pense. Et il y a eu un star pass pour Pibrac. Et aucun point de marqué. Ah si, il y a eu 3 points de marqué pour Bayonne dans ce jam. Ce qui réduit encore un petit peu l'écart et qui va nous monter le score peut-être. Alors je pense qu'ils étaient déjà 145. Donc on va être à 148 à 171. Il va rester 9 minutes dans cette seconde mi-temps de ce match. 171 à 145. Les deux jammers sont en place. Raton qui prend le lead pour Bayonne, encore une fois. Raton qui joue beaucoup, encore une fois. Qui va très vite sur les patins. Qui va tenter de passer de nouveau. Et ça passe assez facilement. Tassinator qui se fait recycler pour Pibrac. Raton qui est donc juste là. Raton qui va passer. Oula, elle se fait prendre dans le tripode. C'est dur pour Tassinator. Raton qui arrive à passer quand même. Et qui marque 4 points de plus. 8 à 0. Ça peut être un jam qui va faire revenir Bayonne. Hein. Parce que ça passe encore pour Raton beaucoup trop facilement. Et Tassinator qui n'arrive pas à passer. Donc. Qui arrive pas à faire son premier passage. Donc ça va être compliqué. Et qui finit quand même par faire son premier passage au bout d'une minute. En sachant que Raton en est déjà à 16 points, vu qu'elle vient de repasser devant nos yeux. Tassinator qui va arriver dans le pack, qui est quand même très fatigué. Ça colle pour Raton, 16 à 0 dans ce jam. Et ça va vite, puisque Bayonne revient à 10 points pour cette fin de match. Donc 171 à 161. Donc 10 points d'écart, ça va nous promet une fin de match palpitante. Et Bayonne qui va. Et donc retour de Lucifer sur le track. Donc je pense que c'était pas trop grave sa blessure, vu qu'elle est de retour et qui va être face à je sais pas trop qui c'est, la 222. On va vite voir ça sur le tableau d'affichage. Donc c'est parti. Nouveau jam 16. Il va rester 7 minutes et 26 secondes. 171 à 161. Il faut absolument que Pibrac prenne le lead un peu plus s'ils veulent rester devant. Et il faut absolument que Bayonne prenne le lead s'ils veulent recoller au score. En sachant qu'ils sont plus qu'à 10 points. Hein. On n'est pas loin. Hein. On n'est pas loin. On n'est pas loin du tout. Hein. Et donc... On voit que les arbitres discutent encore. Match très haché, mais très serré, ça peut se comprendre. Hein. Il faut prendre les bonnes décisions au bon moment, parce que les arbitres aussi peuvent faire tourner le match d'un côté ou de l'autre. Donc il ne faut pas faire d'erreur. Donc être très attentif à ce que l'on siffle. Alors qu'on voit que les arbitres discutent avec les médecins, peut-être pour savoir si Lucifer a le droit de revenir sur le terrain, je sais pas trop. Donc, on va peut-être demander à Matins pour savoir si ce qu'ils ont demandé. Qu'est-ce qui s'est passé là ? Il y a la sueur qui va venir me dire, donc pour savoir si on peut savoir ce qui s'est passé. Les arbitres sont venus demander s'il y avait une autorisation médicale. D'accord. Ouais. D'accord, donc du coup, voilà, il nous a dit ce que je vous disais, c'est bien ça, c'est que c'était pour voir si Lucifer était en état de rejouer, et c'est le cas, vu qu'elle a démarré ce jam, donc 171 à 161, et ça a du mal à passer pour les deux jammeuses, et Lucifer qui est dans le pack. Et on est un peu en... Ça coince, là, ça bloque. Ouais. Et Lucifer qui a un peu de mal à passer, je vois. Ah oui, donc ici derrière on a Bounty Hunter pour Bayonne aussi qui pousse, alors qu'on voit que Lucifer a un style un peu différent de qui essaie de passer à droite, à gauche. Bounty Hunter essaie plutôt de passer en force et à l'épuisement, hein, et d'épuiser le tripode adverse. Et donc Lucifer qui a du mal, qui demande à sa coéquipière de défoncer le tripode pour passer au milieu, et ça finit par passer, alors que Bounty Hunter pour Bayonne a du mal, mais ça va passer. Oh, je pensais qu'il y a des passes extérieures, non, ça va passer intérieur, toujours pas. Lucifer qui va revenir dans le pack alors que sa jameuse n'est pas, la jameuse adverse n'est pas passée, donc elle va tenter de marquer 4 points. Ça va passer intérieur. Non, c'est pas passé pour Lucifer. Donc, elle va se faire recycler. Elle s'est fait recycler. Et donc, elle revient sur le track. Attention. Bounty Hunter qui a quand même du mal à passer. Qui pousse encore. Ça fait déjà quasiment 2 minutes qu'elle bataille. Elle a toujours pas fait de passage. Ça défend très bien dans ce jam. Et Lucifer qui fait un nouveau passage. Et qui fait 4 points, qui marque 4 points. 4 points dans ce jam, donc du coup 4 à 0, et on va arriver au bout du jam. On a été au bout du jam, ça a été très épuisant pour toutes les joueuses. Hein. On le voit exténuées, hein. Elles sont toutes exténuées, donc notamment Lucifer qui est fatigué. Mais... Le fameux focus sur la... Mais non, mais c'est la dernière à sortir, hein, encore une fois. C'est la dernière à sortir, on voit qu'elle est fatiguée. Pourtant, la jammeuse adverse avait poussé un paquet dans le tripode. Ouais, c'est toujours les derniers matchs, comme ça, dimanche soir. Oui. C'est ça. Plus compliqué. Et donc, il va rester 4 minutes 56 dans ce dernier... la deuxième mi-temps de ce dernier match. 175 à 161, encore un arrêt de jeu, ça n'arrête pas. Ouais, mais c'est important là, hein, évidemment. Eh oui, parce qu'il n'y a quand même que 14 points d'écart, donc ça peut revenir à n'importe quel moment pour n'importe quelle équipe. Autant les Pibrac peuvent prendre le large, mais Bayonne peut revenir aussi assez facilement. Un joli jam et ça revient. Hein. On l'oublie pas. Donc... Attention à ne pas. Et ça continue. C'est reparti. Hein, les deux jammeuses qui sont sur le track. Les défenseurs qui sont sur le track aussi. Et c'est parti. Ça pousse dans tous les sens, ça a du mal à passer. Est-ce que Bayonne va réussir à prendre le lead ? On dirait que oui. Et donc du coup, Bayonne prend le lead et va tenter avec Moonjet et un star pass pour Pibrac avec Ninecorn. Donc du coup, ça va être... Et Moonjet qui passe, El Toco Loco, pardon, hey, qui passe pour Bayonne. Alors que Ninecorn... Ça a un peu plus de mal à marquer 4 premiers points. Et Bayonne qui va tenter de passer de nouveau. qui passe extérieur, qui revient intérieur. Je pense qu'il a marqué quelques points déjà. Qui va tenter de passer intérieur et qui passe. Qui passe et qui marque 8 points. C'est toujours pas passé pour Pibrac. Ce qui nous donne un score de 6 points d'écart, 175-69. Ça va être très serré cette fin de match. Ça va être très très serré. Si Bayonne marque de nouveau 4 points, ça va être très serré. Bayonne va marquer 4 nouveaux points et tombe. Donc 4 points de plus. Et par contre, Bayonne qui part en prison. Donc on ira au boost jam. On aura un power jam pour la jameuse des Harpies Braqueuses, mais qui a beaucoup de mal à passer. Qui avait fait un star pass, je pense qu'il n'est pas jameuse à la base, donc qui a un peu plus de mal à passer que, qu'une jameuse habituelle. Et là, ça se joue. Je sors 6 points à 3 minutes de la fin. Ça doit être extrêmement stressant. Et Pibrac qui marque 4 points, qui va se donner un tout petit peu d'air, 10 points d'écart, mais en sachant que Bayonne a pris quelques points, je pensais, sur... Là, c'est chaud, hein. Quelques points de plus, et c'est la fin de ce jam. Et je pense que Bayonne... Voilà, Bayonne a marqué 4 points de plus, hein, donc du coup, ça va faire 12-4. Et Bayonne qui va revenir à 6 points d'écart. Il va rester 2 minutes 43, c'est chaud, hein. C'est chaud, on voulait du suspense pour ce dernier match, on l'a. On l'a. Ouais, c'est chaud dans les tribunes. On hein. entend l'ambiance qui monte, effectivement. Et Bayonne contre Pibrac. 2 minutes 25, 179 à 173. Ça siffle dans tous les sens. Je sais pas ce qui s'est passé. Oh. Ah. Alors, on n'a pas trop compris ce qui s'est passé. Il me semble que Raton... Ah, Raton avait oublié le, oublié l'étoile. Elle était partie sans son étoile. Donc du coup, c'est un peu moyen parce qu'on pouvait pas la... Mais j'avais même pas remarqué. Et donc, prison pour une bloqueuse de Bayonne aussi. Et donc, on va commencer ce jam avec une prison. Et donc Raton qui va faire face à Tassinator, il me semble, en tant que jammeuse. 6 points d'écart, donc 2 minutes 15, 179 à 173. Et c'est reparti très prochainement pour le jam numéro 18 dans ce match. Et c'est parti. Allez, c'est parti. C'est parti, 6 points d'écart, hein, c'est serré. Hein, et Pibrac qui a failli passer et qui passe, qui prend le lead. Ah, Bayonne qui va avoir du mal à revenir dans ce jam. Ça va être compliqué. On a une tentative de star pass pour Bayonne. Est-ce que la pivot avec l'étoile à la main va passer? Je pense que oui. Non, elle s'est fait sortir au dernier moment. Ça a du mal à passer aussi pour Pibrac. Ça passe finalement pour Bayonne. Et ça marque 4 points pour Pibrac. Qui va peut-être coller, non? Qui a donc 10 points d'écart maintenant. Il va rester 1 minute 34. Ça va être chaud, hein. Ça va être chaud. Ça passe pour Bayonne qui marque 4 points également. Et Tassinator qui va passer, non? Qui passe. Oh, et Bayonne qui passe. Oh là, qui passe de Tassinator, qui marque 4 points de plus et qui revient à 2 points à quelques secondes de la fin du match, qui revient à 2 points. 183-181, il va rester 1 minute. Et Tassinator qui passe, qui marque 4 points, 187 à 181. Et alors que la lumière déconne dans le gymnase. Alors là, c'est lunaire, hein. Mais est-ce que Bayonne va passer? Non, c'est un peu de mal à passer pour Minim et Costaud de Bayonne. Attention, les deux jammers qui ont du mal à passer. Alors qu'on est en power jam pour Pibrac, je pense qu'on est, sur la fin de ce match. Parce que si Pibrac marque, ça va être compliqué lors du dernier jam de revenir pour Bayonne. On est en power jam, la jammeuse de Bayonne qui est en prison, qui va bientôt revenir. Et ...12 points pour Pibrac et 10 points pour Bayonne, ce qui nous donne 191 à 183, 8 points d'écart, et il va nous rester un dernier jam. Ça va être chaud. Là, ça va être chaud. Là, ça va être chaud. Il faut... Oui, il va rester un dernier jam. Et ça va être chaud. On va voir. Là, le lead va être primordial. Et dans ce dernier jam, qui c'est qui va... Jamais, alors que encore les arbitres discutent avec les coachs. Ça va être très, très serré. Très, très, très, très serré. Je ne vois pas trop ce qu'ils demandent. Mais... C'est tendu, il y a du suspense, on en voulait, on en a pour ce dernier match de championnat. Et c'est bientôt reparti, je pense, pour le dernier jam de ce championnat. Ça va être le dernier jam du championnat, carrément. Un peu ému avec toutes ces heures d'antenne qu'on a passées à regarder des matchs et des matchs et des matchs. La dernière minute de la saison, c'est les deux dernières minutes de la saison bientôt. 191 à 183 bientôt ce dernier jam qui va commencer. Alors est-ce qu'on va commencer en power start? Je ne sais pas, j'ai vu que je vois la jameuse de Bayonne en prison encore, donc possiblement power start, mais je ne sais pas trop. Elle était déjà en prison juste avant la fin de ce jam, donc peut-être qu'ils ont collé avant pour pas qu'elle puisse revenir. Alors, il y a encore un dernier jam. Alors là, il y a une incompréhension parce que... Donc, il y a... Un jam supplémentaire. Il y a un jam supplémentaire, alors que sur l'écran, on nous a affiché un score non officiel, mais il y aura bien un dernier jam. Et donc, l'occasion pour Bayonne de gagner ce match, de revenir. Il y a 8 points à remonter. Ouais, c'est possible, hein. C'est possible, mais ça va être compliqué quand même. Hein, mais bon, là, la prise de lead sera primordiale. Hein. Alors qu'on avait déjà vu un match nul la dernière manche de championnat. Ah bon ? Et oui. Et s'il y a un match nul, il y a un dernier jam de 2 minutes où il n'y a pas de lead. C'est que des points. Okay. Et on va au bout des 2 minutes. Alors peut-être qu'on en verra un deuxième si Bayonne arrive à faire un plus 8 lors de ce jam. Et donc ça va être Raton face à Tassinator. En jammeuse, il me semble que j'ai vu Raton. Ah non. Alors, et on va commencer un power start pour Pibrac. Mais la jammeuse de Bayonne a l'air de pouvoir rentrer assez vite en jeu. Donc ça va être reparti très très bientôt. Et c'est chaud. Parti. Allez, dernier jam. Dernier jam, 191 à 183. Pour Pibrac, on le rappelle, qui va commencer ce dernier jam en power start. Quelle pression. Oui. Là c'est tendu. On voit les Bayonne qui est prêt à rentrer sur le track quasiment tout. Hein. Et... Ah non, Raton qui est en... Elle passe. Et ça passe pour Pibrac qui prend le lead. Ça passe aussi pour Bayonne. Mais ça colle pour Pibrac puisqu'ils étaient devant et qu'il prend aucun risque. Et qui va donc gagner ce match 191 à 183. On va attendre que le score soit officiel. Donc je pense que Pibrac va prendre donc la tête du championnat grâce à cette victoire, et Bayonne, je pense, va rester derrière les Valiant Beaches, il me semble. Mais je vous propose d'aller regarder les résultats de vous-même sur internet, il n'y a pas de souci. Si vous tapez Roller Derby N2 Zone 5, c'est bien ça, Mathilde ? Zone 4, pardon. Voilà, si vous tapez les résultats, je pense que vous aurez le classement affiché, donc n'hésitez pas à aller voir ça. Mais en tout cas, moi, ça fut un plaisir de commenter ce match avec toi, JC. J'étais un peu éteint sur la deuxième partie, mais écoute, c'était un grand plaisir à refaire. C'est quand le prochain match? Je sais pas trop quand c'est le prochain match, okay, mais on verra. Vous serez au courant assez vite, ne vous inquiétez pas. Merci pour votre écoute. Moi, très content d'avoir donc commenté tous ces matchs. Je pense que je dois être à 20h d'antenne au moins sur ce championnat. Alors Mathieu nous rejoint. Sur le championnat, on est à beaucoup plus que 20h d'antenne. On a été à, je crois, 15h par week-end. 15h par donc, week-end. À 45h. Bon, moi, j'ai pris des pauses ce week-end, j'ai fait que deux matchs. Donc, on doit être en droit de quelque chose comme 45 heures de direct sur l'autre week-end. Ouais. Ce qui est loin d'être dégueulasse. Hein. Voilà. Mais merci à toi, Mathilde, en tout cas, c'est un plaisir de commenter avec toi et les autres. Je te remercie, toi, d'être venu jusqu'à Mérignac deux fois, d'être là aujourd'hui. C'était vraiment super cool. Mais ouais. Voilà, on aura les résultats, je pense, demain, peut-être mardi, si jamais c'est un peu complexe. Parce que, bon, voilà, il y a le temps de calculer tous les goal average, tout ça. Exactement. Alors toi qui nous fais chier les chiffres, normalement une addition ça devrait aller vite, non, pour toi? Oui, pour moi oui. Mais bon, moi je suis un petit peu au-dessus de la populace, quoi, tu sais. C'est vrai. Donc on verra ça, mais bon, je sais que les équipes généralement elles font leurs propres calculs pour voir où elles en sont aussi. Donc on verra ce que ça va donner. En tout cas, c'était vraiment c'était vraiment super cool. Voilà, je te remercie toi évidemment, Vicente, toi et Seb beaucoup qui avait été là pendant très longtemps. Ce qu'il a fait, Seb, il a rien fait. Seb... Il était là le premier week-end, non, il était pas là. Non, il était pas premier. Mais il était là le dernier, il était là quasiment tout le temps. Quoi, quasiment tout le temps? Il était là lors du premier match que j'ai commenté? Non, il était là lors du dernier match que j'ai commenté? Non. Ah, pour draguer ma sœur, il y a des mondes, mais pour le voir, il y a plus personne. Mauvaise foi, Vicente. Non, en tout cas, c'était trop cool. On verra si l'année prochaine on refait ça. De toute façon, on a un peu de temps. On a un peu de temps. La première, c'était quoi, décembre, je crois, le premier week-end cette année. C'était de novembre ou décembre. Donc voilà, on a un peu le temps de voir venir. En tout cas, c'était super cool. J'espère que vous avez apprécié aussi, vous aussi, de nous suivre sur Radio Culture. N'oubliez pas qu'on est toujours le site radioculture.wordpress.com pour réécouter toutes nos émissions. Et voilà, Vicente. Et bien, à très bientôt. À très bientôt, oui, c'était vraiment trop cool. Allez, salut à tout le monde, et puis en espérant que vous allez nous écouter de plus en plus sur Radio Nos Cultures. Allez, salut tout le monde.